Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY-NC ND 2.0 FR. Mémoire de Madame Germaine de Staël, 10 années d'exil, précédée de la préface de Monsieur de Staël, fils. Ouvrage posthume, publié en 1818 et réédité en 1861 chez Charpentier, libraire éditeur. Domaine public. 10 années d'exil, préface de Monsieur de Staël, fils. Les cris que l'on va lire ne forment point un ouvrage complet et ne doit pas être jugé comme tel. Ce sont des fragments de mémoire que ma mère se proposait d'achever dans ses loisirs et qui auraient peut-être subi des changements dont j'ignore la nature, si une plus longue carrière lui eût permis de les revoir et de les terminer. Cette réflexion suffisait pour que j'examinasse avec scrupule si j'étais autorisé à les publier. La crainte d'aucun genre de responsabilité ne peut se présenter à l'esprit lorsqu'il s'agit de nos plus chères affections. Mais le cœur est agité d'une anxiété douloureuse quand on est réduit à deviner des volontés dont la manifestation serait une règle invariable et sacrée. Toutefois, après avoir sérieusement réfléchi sur ce que le devoir exigeait de moi, je me suis convaincu que j'avais rempli les intentions de ma mère en prenant l'engagement de ne mettre dans cette édition de ses œuvres aucun écrit susceptible d'être imprimé. Ma fidélité à tenir cet engagement me donne le droit de désavouer par avance tout ce qu'à une époque quelconque on pourrait prétendre ajouter à une collection qui, je le répète, renferme tout ce dont ma mère n'eût pas formellement interdit la publication. Le titre de « 10 années d'exil » est celui dont l'auteur lui-même avait fait choix. J'ai dû le conserver, quoique l'ouvrage, n'étant pas achevé, ne comprenne qu'un espace de 7 années. Le récit commence en 1800, c'est-à-dire 2 ans avant le premier exil de ma mère, et s'arrête en 1804, après la mort de M. Necker. La narration recommence en 1810 et s'arrête brusquement à l'arrivée de ma mère en Suède, dans l'automne de 1812. Ainsi, la première et la seconde partie de ses mémoires laissent entre elles un intervalle de près de 6 années. On en trouvera l'explication dans l'exposé fidèle de la manière dont ils ont été composés. Je n'anticiperai point sur le récit des persécutions que ma mère a subies sous le gouvernement impérial. Ces persécutions, mesquines autant que cruelles, forment l'objet de l'écrit que l'on va lire et dont je ne pourrai qu'affaiblir l'intérêt. Il me suffira de rappeler qu'après l'avoir exilée d'abord de Paris, puis renvoyée de France, après avoir supprimé son ouvrage sur l'Allemagne par le caprice le plus arbitraire et lui avoir rendu impossible de rien publier, même sur les sujets les plus étrangers à la politique, on en vint jusqu'à lui faire, de sa demeure, une prison, à lui interdire toute espèce de voyage, et à lui enlever les plaisirs de la vie sociale et les consolations de l'amitié. Voilà dans quelle situation ma mère a commencé ses mémoires, et l'on peut juger quelle était alors la disposition de son âme. En écrivant cet ouvrage, l'espoir de le faire paraître un jour se présentait à peine dans l'avenir le plus éloigné. L'Europe était encore tellement courbée sous le joug de Napoléon qu'aucune voix indépendante ne pouvait se faire entendre. Sur le continent, la presse était enchaînée et les mesures les plus rigoureuses repoussaient tout écrit imprimé en Angleterre. Ma mère songeait donc moins à composer un livre qu'à conserver la trace de ses souvenirs et de ses pensées. Tout en faisant le récit des circonstances qui lui étaient personnelles, elle y insérait les diverses réflexions que lui avaient inspirées, depuis l'origine du pouvoir de Bonaparte, l'état de la France et la marche des événements. Mais si imprimer un pareil ouvrage eût été alors un acte inouï de témérité, le seul fait de l'écrire exigeait à la fois beaucoup de courage et de prudence, surtout dans la position où était ma mère. Elle ne pouvait pas douter que toutes ces démarches ne fussent soumises à la surveillance de la police. Le préfet, qui avait remplacé M. de Barante à Genève, prétendait être informée de tout ce qui se passait chez elle, et le moindre prétexte suffisait pour que l'on s'emparât de ses papiers. Les plus grandes précautions lui étaient donc recommandées. Aussi, à peine avait-elle écrit quelques pages qu'elle les faisait transcrire par une de ses amies les plus intimes, en ayant soin de remplacer tous les noms propres par des noms tirés de l'histoire de la Révolution d'Angleterre. Ce fut sous ce déguisement qu'elle emporta son manuscrit, lorsqu'en 1812, elle se résolut à échapper, par la fuite, à des rigueurs toujours croissantes. Arrivée en Suède, après avoir traversé la Russie, et évité de bien près les armées qui s'avançaient sur Moscou, ma mère s'occupa de mettre au net cette première partie de ses mémoires qui, ainsi que je l'ai dit plus haut, s'arrête à l'année 1804. Mais, avant de les continuer selon l'ordre des temps, elle voulut profiter du moment où ses souvenirs étaient dans toute leur vivacité, pour écrire le récit des circonstances remarquables de sa fuite et des persécutions qui lui en avaient fait, pour ainsi dire, un devoir. Elle reprit donc l'histoire de sa vie à l'année 1810, époque de la suppression de son ouvrage sur l'Allemagne, et la continua jusqu'à son arrivée à Stockholm en 1812. De là, le titre de 10 années d'exil. Ceci explique encore pourquoi, en parlant du gouvernement impérial, ma mère s'exprime tantôt comme vivant sous sa puissance et d'autres fois comme y ayant échappé. Enfin, lorsqu'elle conçut le plan de son ouvrage sur la Révolution française, elle tira de la première partie des 10 années d'exil les morceaux historiques et les réflexions générales qui entraient dans son nouveau cadre, réservant les détails individuels pour l'époque où elle comptait achever les mémoires de sa vie, et où elle se flattait de pouvoir nommer toutes les personnes dont elle avait reçu de généreux témoignages d'amitié, sans craindre de les compromettre par l'expression de sa reconnaissance. Le manuscrit, confié à mes soins, se composait donc de 2 parties distinctes. L'une, dont la lecture offrait nécessairement moins d'intérêt, contenait plusieurs passages, déjà incorporés dans les « Considérations sur la Révolution française ». L'autre formait une espèce de journal dont aucune portion n'était encore connue du public. J'ai suivi la marche tracée par ma mère en retranchant de la première partie de son manuscrit tous les morceaux qui, à quelques modifications près, avaient déjà trouvé place dans son grand ouvrage politique. C'est à cela que s'est borné le travail de l'éditeur et je ne me suis pas permis la moindre addition. Quant à la seconde partie, je la livre au public sans aucun changement, et à peine ai-je cru pouvoir y faire de légères corrections de style, tant il m'a paru important de conserver à cette esquisse toute la vivacité d'un caractère original. L'on se convaincra de mon respect scrupuleux pour le manuscrit de ma mère en lisant les jugements qu'elle porte sur la conduite politique de la Russie. Mais, sans parler du pouvoir qu'exerce la reconnaissance sur les âmes élevées, l'on se rappellera sans doute que le souverain de la Russie combattait alors pour la cause de l'indépendance et de la liberté. Était-il possible de prévoir qu'au bout de si peu d'années, les forces immenses de cet empire deviendraient des instruments d'oppression pour la malheureuse Europe? Si l'on compare les 10 années d'exil avec les considérations sur la Révolution française, on trouvera peut-être que le règne de Napoléon est jugé dans le premier de ses écrits avec plus de sévérité que dans l'autre, et qu'il y est attaqué avec une éloquence qui n'est pas toujours exempte d'amertume. Cette différence est facile à expliquer. L'un de ses ouvrages a été écrit après la chute du despote, avec le calme et l'impartialité d'un historien. L'autre a été inspiré par un sentiment courageux de résistance à la tyrannie. Et quand ma mère l'a composé, le pouvoir impérial était à son apogée. Je n'ai point choisi un moment plutôt qu'un autre pour la publication des 10 années d'exil. L'ordre chronologique a été suivi dans cette édition et les œuvres posthumes ont dû naturellement terminer le recueil. Du reste, je ne crains point qu'on prétende qu'il y ait manque de générosité à publier, après la chute de Napoléon, des attaques dirigées contre sa puissance. celle dont le talent a toujours été consacré à la défense des plus nobles causes, celle dont la maison a été successivement l'asile des opprimés de tous les partis, serait trop au-dessus d'un pareil reproche. Il ne pourrait, en tout cas, s'adresser qu'à l'éditeur des 10 années d'exil. Mais j'en serais peu touché, je l'avoue. L'on ferait en vérité une part trop belle au despotisme si, après avoir imposé le silence de la terreur pendant son triomphe, il pouvait encore demander à l'histoire de l'épargner après sa défaite. Sans doute, les souvenirs du dernier gouvernement ont été le prétexte de beaucoup de persécutions. Sans doute, les honnêtes gens sont révoltés des lâches invectives que l'on se permet encore contre ceux qui, ayant joui des faveurs de ce gouvernement, ont assez de dignité pour ne pas désavouer leur conduite passée. Sans doute, enfin, une grandeur déchue peut captiver l'imagination. Mais ce n'est pas de la personne de Napoléon seulement qu'il s'agit. Ce n'est pas lui qui, aujourd'hui, peut être un objet d'animadversion pour les âmes généreuses. Ce ne sont pas non plus ceux qui, sous son règne, ont servi utilement leur pays dans les diverses branches de l'administration publique. Mais ce qu'on ne peut flétrir d'une censure trop sévère, c'est le système d'égoïsme et d'oppression dont Bonaparte est l'auteur. Or, ce déplorable système ne règne-t-il pas en Europe? Les puissants de la terre ne recueillent-ils pas, avec soin, le honteux héritage de celui qu'ils ont renversé? Et, si l'on tourne ses regards sur notre patrie, combien ne voit-on pas de ces instruments de Napoléon qui, après l'avoir fatigué de leur servile complaisance, viennent offrir à un pouvoir nouveau le tribut de leur petit machiavélisme? Aujourd'hui, comme alors, n'est-ce pas sur la vanité et sur la corruption que repose tout l'édifice de leur chétive science? Et n'est-ce pas dans les traditions du régime impérial que sont puisés les conseils de leur sagesse? En peignant donc des plus vives couleurs ce régime funeste, ce n'est pas un ennemi vaincu que l'on insulte, c'est un adversaire puissant que l'on attaque. Et si, comme je l'espère, les 10 années d'exil sont destinées à accroître l'horreur des gouvernements arbitraires, je puis me livrer à la douce pensée qu'en les publiant, je sers la sainte cause à laquelle ma mère n'a pas cessé d'être fidèle.